Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Stein, Picasso, Braque et l'invention du cubisme. C'est une page de l'histoire de l'art que je vais vous raconter ce soir. Une page entrée dans la légende où Pablo Picasso et Georges Braque, alors quasi inconnus, révolutionnent l'art et inventent ce qu'on va appeler le cubisme. Mais comme toujours, rien n'était écrit à l'avance. Nous sommes au tout début du XXe siècle, juste avant la Grande Guerre qui bientôt bouleversera tout. Une période d'une vitalité et d'une créativité qui aujourd'hui encore nous font pâlir d'envie. « Paris alors vous donnait des ailes », écrira Stefan Zweig. « Durant ces années qui vont de 1907 à 1914 », écrira Blaise Cendrars, « jamais ne flamba un tel brasier d'intelligence ». L'époque où l'américaine Gertrude Stein, poétesse et riche collectionneuse, s'installe à Paris et se lie d'amitié avec les artistes. Celle où Picasso, dans son atelier vétuste du bateau Lavoir à Montmartre, peint les Demoiselles d'Avignon, une œuvre au parfum de soufre qui donne envie de cracher le feu, dira Braque. Georges Braque, le génial mais timide, qui sera longtemps éclipsé par le solaire Pablo. Mais pour l'heure, les deux peintres cubistes sont liés par une amitié qui semble à la vie, à la mort. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Bonsoir Pascal Rousseau. Vous êtes professeur d'histoire de l'art contemporain à l'École des Beaux-Arts à Paris et à l'Université Paris 1, spécialiste des avant-gardes historiques et des débuts de l'abstraction. Alors, l'histoire que je vais raconter ce soir, je viens de le dire, est une page d'histoire de l'art avec ce que ça peut avoir de grandiose, de pompeux, mais c'est aussi, on va le voir, une histoire de rencontres, de jeunesse et d'amitié avec des personnages qui sont devenus véritablement des monstres de l'histoire de l'art et de la littérature. Gertrude Stein, Picasso, Georges Braque, Apollinaire aussi qui intervient dans cette histoire. Et qui sont ces personnages en 1906 quand cette histoire va commencer? C'est un beau quatuor qui en dit long d'ailleurs sur l'époque. Donc deux poètes en quelque sorte, donc Gertrude Stein et Guillaume Apollinaire, deux peintres. L'écriture, la poésie, la peinture, ce sont des univers qui vont vraiment se côtoyer beaucoup à ce moment précis qui est en fait celui du nouveau monde aussi. Paris incarne la modernité. Gertrude Stein, qui est américaine, vient donc faire son voyage pour retrouver son frère qui s'est inscrit à l'Académie Julien, Léo. Et ce qui est très curieux, c'est que ce voyage qu'ils font, les Stein, eh bien, c'est eux qui vont aussi eux-mêmes le créer. C'est-à-dire qu'ils vont créer leur propre plateforme qui sera tout simplement leur appartement. Leur appartement va devenir, en quelque sorte, la vraie plateforme de visibilité d'un moment très très précis de cette modernité, qui est le moment d'incandescence. On parlait de feu brûlant avec Cendrars. Je crois qu'on y est, là, vraiment. C'est-à-dire que le salon de la rue de Fleurus, dans le 6e arrondissement, à côté de l'Odéon, oui, c'est ça, oui. Et en fait, sera vraiment le lieu de rencontre de ces poètes et de ces écrivains, de ces peintres qui sont tous engagés dans le renouvellement, en quelque sorte, des vocabulaires. Et comment ça se fait que ça se passe à Paris? Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi? C'est quelque chose qui est déjà inscrit depuis un petit moment. Paris est la nouvelle Athènes, dit-on. On vient à Paris parce qu'à Paris, effectivement, depuis la révolution impressionniste, la tradition de la modernité est inscrite. Hein, et donc, Paris est en ébullition urbaine, mais aussi artistique, ça c'est très clair. Et la plupart des artistes, qu'ils soient européens ou américains, comme dans le cas de Léo Stein et de sa sœur, viennent en fait épuiser en quelque sorte vraiment la question de la modernité. Il y a un moment très très particulier où Paris, avec sa tour Eiffel, incarne le phare de la modernité. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à Paris? Donc il y a ces artistes, comme le disait aussi ailleurs Blaise Cendrars, ils vont dans les musées, ils vont regarder les tableaux des maîtres, ils vont découvrir Cézanne, Gauguin, qui sont véritablement leurs maîtres en peinture, et ils découvrent aussi l'art dit primitif, l'art dit nègre. Il y a toute une conjonction comme ça d'influences qui vont se renouer à ce moment-là. Oui, je crois que en fait c'est ça qui va donner la naissance du cubisme. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait là on le voit bien, Paris est un réseau qui tisse en quelque sorte des liens, et des liens très inattendus entre de multiples tradition. Tradition aussi bien celle archaïque, en quelque sorte, des arts, on va les appeler primitifs, on les appelle maintenant premiers. Oui, on cherche de nouvelles influences. Oui, bien sûr, et il les trouve au Louvre, et par exemple Picasso, j'ai envie de dire, va trouver au Louvre à la fois l'art ibère, qui est l'art archaïque de la péninsule ibérique, dans lequel il retrouve justement une simplification qui va être extrêmement influente dans les débuts justement du cubisme. Il trouve aussi au Trocadéro des masques africains. La tradition coloniale de la France fait que évidemment beaucoup d'objets sont accessibles à Paris, où ils ne le sont pas forcément dans d'autres capitales européennes. Et il trouve aussi bien évidemment la modernité des grands salons modernes, que ce soit celui des indépendants et du salon d'automne, où l'on retrouve justement là vraiment toute la modernité artistique. En 1905, par exemple, quand il commence à prendre contact avec Gertrude Stein, c'est le fauvisme. Mais le fauvisme ne dure que très peu de temps. Le fauvisme, c'est le salon d'automne de 1905. En 1907, la messe est dite, rétrospective posthume de Cézanne, et on est déjà ailleurs, on est déjà dans le cubisme. Il y a une accélération de la modernité, d'un mouvement qui balaie le précédent, dans une sorte de balaie des ismes. Et cette accélération, bien évidemment, est fulgurante à ce moment précis d'avant la Première Guerre mondiale, c'est clair. Pascal Rousseau, je propose que nous poursuivions cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Stein, Picasso, Braque et l'invention du cubisme, un texte de Jean-Benoît Patricot, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Baptiste Guiton. Ah non, mais je rêve. M'envoyer un petit bleu pour me convoquer à son atelier. Il ne manque pas d'air, ce Picasso. Le portrait est fini, passez le voir, m'écrit-il. Il est fini, mon portrait? Alors qu'avant son départ pour l'Espagne, il avait effacé tout mon visage? Effacé, direct. En trois coups de pinceau, ouf, plus rien. Un grand trou marronnasse à la place de ma figure. Ah, ça, soutenez les artistes et voyez comme on vous remercie. Près de 90 séances de pause pour se retrouver avec un portrait achevé de mémoire? Non, vraiment, Picasso va m'entendre. C'est quoi déjà leur mot en français? Ah oui, foutaise. Oui, voilà, c'est ça, c'est de la foutaise. En ce jour d'automne 1906, Gertrude Stein fulmine en s'installant dans l'omnibus tiré par des chevaux qui monte jusqu'à la butte Montmartre. Elle veut voir au plus vite son portrait. Elle a 32 ans et son goût immodéré pour la nourriture, un de ses plus grands plaisirs dans la vie, se traduit par un physique massif dégageant une impression de puissance et de vitalité. Après des études aux États-Unis, elle est venue retrouver à Paris son frère Léo. Très vite, le frère et la sœur se lancent dans l'acquisition d'une collection d'art moderne. Parallèlement, Gertrude Stein débute une œuvre littéraire expérimentale. Elle souhaite traduire dans ses écrits et ses poèmes les chamboulements provoqués par les différents mouvements picturaux qui ne cessent d'éclore à Paris. Elle est ainsi une des premières à s'intéresser aux œuvres du plus inventif des avant-gardistes, Pablo Picasso, un jeune Espagnol de 25 ans aux cheveux noirs, aux grands yeux lourds pleins d'un feu contenu. L'achat de grandes toiles marque le début de leur amitié que le portrait de Gertrude par Pablo devait sceller. Essoufflée d'avoir dû finir de grimper la butte à pied, Gertrude Stein frappe avec rage à la porte du bateau Lavoir, une bâtisse délabrée construite sur une rue pentue où l'on entre par le dernier étage sous les toits. C'est là que se trouve l'atelier de Picasso. Sans adresser un mot à Picasso qui lui a ouvert, Gertrude s'avance dans l'atelier Capharnaüm et s'immobilise, le souffle coupé, face à son portrait. Alors ? Eh bien, je... Gertrude, c'est bien la première fois que vous restez sans voix devant une de mes peintures. Je ne m'attendais pas à ça. Toutes ces heures passées à essayer d'être fidèle aux traits de mon visage et ma... Je ne vous voyais plus quand je vous regardais. Il a fallu cette rupture, la lumière d'Espagne, pour que je puisse vous voir de nouveau. Mais ce n'est pas un visage, c'est un masque. Je n'avais assez de courir après la ressemblance. Il a la photographie, ahora. Comment lutter contre Nadar? Moi, je préfère la vérité. Les masques sont censés cacher le vrai visage. Et là, c'est l'inverse. Quand même, ce corps classique, presque celui d'un grand bourgeois, très influent comme ceux que peignait Ingres, Et ce visage qui vient de... D'Afrique, d'Espagne, poco importa. J'aurais dû me méfier quand vous avez commencé à accumuler tous ces masques africains. Tout l'été, j'ai fait des essais avec les visages de Fernande. Mira, je l'ai dessiné. Dessiné à chaque fois, j'ai simplifié davantage. Pour arriver à cette sorte de rudesse archaïque. Elle ne s'est pas plainte d'être toute défigurée. Para nada. Dès que nous sommes rentrés, j'ai peint votre visage. Il m'est venu tout de suite. Un portrait primitif. La belle idée. Je ne voulais pas juste la ressemblance avec votre apparence physique. Je voulais plus. Allez, au-delà. Eh bien, c'est réussi. Moi qui n'ai qu'une lubie dans la vie. Découvrir la nature profonde de chacun pour découvrir comment elle s'exprime. Voilà que vous, avec quelques traits de pinceau, vous avez saisi la mienne. Avec ce nez plat, comme si je m'étais cogné dans une vitre. Ses yeux décalés. Une nature profonde assez dure, quand même. Oui, mais cet œil-là, le gauche, il exprime toute votre curiosité du monde. Vous ne vous reconnaissez pas. C'est pire. Pire? C'est moi. Et ce sera toujours moi, quel que soit mon âge. Vous savez quoi, Pablo? Dígame. C'est déjà un portrait de moi en grande écrivaine. Estoy contento que vous soyez satisfaite. Mais où cela va-t-il vous conduire? Oh, j'entends déjà toutes les critiques que l'on va vous faire. Oh, oh, oh, les chiens aboient. La caravane passe. Estoy buscando. Je cherche. Je cherche. J'en ai presque les jambes comme de la jelly. Ça flageote de partout. Il faut que je m'asseye. Quel choc! Se voir ainsi représenté. Oh, je dois bien être la première femme au monde dont le portrait présente un nez de profil sur une figure de trois quarts et mes yeux un bien plus haut que l'autre, avec en plus ce trait noir autour de mon visage pour souligner la volonté de ne pas faire un vrai portrait. Bon, je crois bien que j'aime. Oui, j'aime. Je pourrais essayer d'écrire comme ça. Ne pas raconter littéralement. Trouver un angle différent pour dire. Moi qui cherche à restituer la contemplation intérieure de moi-même par l'arrangement et le choix des mots, voici qu'un simple portrait m'ouvre des voies nouvelles. Mais dans quoi Picasso va-t-il s'engager? Le bougre n'a rien voulu me raconter, mais je pense qu'il va se passer de grandes choses. Je dois le Oh, je sais! Je vais inviter Apollinaire au cirque. Il est proche de Picasso. Il saura peut-être ce qu'il prépare. Très vite, la rumeur se répand que les toiles avant-gardistes les plus intéressantes du moment sont sur les murs des appartements d'Einstein. Tant de curieux viennent chez eux à toute heure de la journée que Gertrude et son frère Léo instaurent rue de Florus un jour de visite. Et un samedi, Picasso est arrivé accompagné de son ami Guillaume Apollinaire, dont la verve et la culture ont beaucoup plu à Gertrude. Apollinaire s'est bien gardé de lui offrir le livre érotique « Les 11 000 verges » qu'il vient de dédier à son ami espagnol. C'est au cirque, situé boulevard Rochechouart, que Gertrude Stein a retrouvé Guillaume Apollinaire, la pipe au bec, comme toujours. L'établissement, dirigé par le clown Medrano, est très prisé par les artistes de Montmartre. Oh mon Dieu, Apollinaire, je suffoque, j'ai tant ri. Oh, il est extraordinaire ce Grog. Mais de combien d'instruments a-t-il joué? Je ne sais pas, 6 ou 8. Oh, quel talent ce clown. Oh, franchement, cela fait du bien de rire comme ça, de bon cœur. Oh, est-ce l'entracte? Oui, le temps qu'il dresse les grilles pour les fauves. Parfait. Alors, causons un peu. Avez-vous vu mon portrait fait par notre ami Picasso? Oh, il est majestueux. Ce visage presque géométrique sur ce corps tout en rondeur, quelle singularité. Vraiment impressionnant. À mon avis, vous y êtes pour quelque chose. Pablo est tellement impressionné par votre vivacité d'esprit, je suis certain que vos discussions l'auront éclairé. Oh non, je n'y suis pour rien. Et dites-moi, êtes-vous allé au salon d'automne? Oui, au vernissage, bien sûr. C'est tellement mieux depuis qu'il se tient au Grand Palais. Il paraît que c'était si mal exposé au Petit Palais qu'il fallait éclairer les toiles à l'allumette pour y voir quelque chose. J'ai connu ça. Et vous y êtes allé seul? Non, il y avait Picasso et quelques autres. Vous ne voulez pas m'aider à convaincre Picasso d'exposer au salon? Il a besoin d'être vu. Inutile. Jamais. Il refuse de faire partie de ce cirque. Et puis, vous lui avez donné de mauvaises habitudes. Moi? Ben oui. Vous qui dispersez son nom et ses louanges dans tout Paris, qui le faites vivre par vos achats. Maintenant qu'il a aussi trouvé une galerie, pourquoi irait-il se mettre face à un peloton d'exécution, face à des critiques imbéciles? Oui, je suppose qu'on ne peut pas demander à un artiste plus qu'il ne peut donner, ni aux critiques plus qu'ils peuvent voir. Sauf à vous, bien sûr, Guillaume, qui avez l'œil. Ah, un compliment, Gertrude. Que me vaut cet honneur? Eh bien, je me demandais, puisque vous voyez si souvent Picasso, si vous auriez remarqué... Remarqué quoi? Comment dire? Disons, une évolution. Je sens bien que ces périodes bleues et roses sont finies, mais je discerne mal vers quoi il va. Picasso avance, chaque jour. Oui, mais en ce moment, y a-t-il du nouveau? Que dire? Son attrait pour l'art africain, mais vous l'avez remarqué. Oui, mais encore. Je ne vois pas. Toujours la même effervescence au bateau Lavoir. Rien de... Ah si. Quoi donc? Une nouvelle amitié. Un jeune peintre originaire d'Argenteuil. Quoi est-ce nouveau? Je découvre des nouveaux artistes chez lui chaque fois que j'y passe. Ah oui, mais celui-là, c'est différent. En quoi? Parce qu'ils sont aussi dissemblables que possible. Et donc? Ben, vous voyez notre Picasso. Le torillon espagnol, le petit trapu, le regard noir, le teint mat. Et en face... Vous avez un jeune homme athlétique, très pâle, très doux, mais complètement obsédé par la peinture, et c'est là où ils se sont trouvés avec Picasso. Ils ne se quittent plus. Et comment s'appelle l'heureux élu? Braque. Georges Braque. Il mène une vie admirable. Il s'efforce avec passion vers la beauté et il l'atteint. On dirait sans effort. Eh bien... À vous entendre, ce jeune homme n'a pas séduit que Picasso. Automne 1907. Dès son retour à Paris, Georges Braque, qui était parti tout l'été sur les traces de Paul Cézanne dans le sud de la France, se rend chez l'ami Picasso avec sous son bras quelques toiles. Braque, que certains décrivent comme beau, simple comme un enfant et aussi modeste qu'une jeune fille de 9 ans, est également fort et musclé, grâce à une pratique régulière de la boxe. Les toiles qu'il emporte sont des paysages qu'il a peints à l'Estac, près de Marseille. Celui qui, au départ, avait une formation d'artisan peintre-décorateur, a abandonné l'influence des impressionnistes de ses débuts, puis celle du fauvisme de Matisse, pour chercher à présent sa propre voie. Il se presse sur le chemin du bateau Lavoir, car Picasso a laissé entendre qu'il avait une surprise pour lui. Hey, amigo, bienvenido. Alors, le soleil? Tu vois, pour la première fois de ma vie, je ne suis pas couleur navet. Ah, presque un homme du sud. Tu as donc beaucoup travaillé dehors? Chaque jour. J'en ai d'ailleurs la preuve avec moi. Oh, vite, fais voir! Oh, oh, monsieur Cézanne, on dirait que vos petits secrets ont été découverts. Tu trouves que ce sont des copies de Cézanne? Ah non, bien sûr que non. Cette fois, ça y est, tout a réussi. Tout l'a zigouillé. Quoi? Qu'est-ce que j'ai zigouillé? La perspective. Oh, tout l'a coupé le cou. Pauvre bête, elle est morte. Finito. Elle est encore bien vivante chez beaucoup de peintres. Oh, mais on s'en fout des autres. Nous, c'est autre chose. Mais regardez-moi ce paysage. On ne dirait pas que tu es devant avec ton pinceau. Et où je serai? Derrière la toile. Tu pousses le paysage vers nous au risque de le faire basculer. Oh, et celui-là... Oh, et où est-ce qu'il est, celui qui regarde? Des faces, des biais. Partout, à la fois. Maravilloso. Bon, allez, à toi. Qu'est-ce que tu as peint? La toile, là. Cachée sous la bâche. Mais pourquoi l'as-tu... Il faut que je te prépare, que tu comprennes le chemin. Tu te souviens de nos visites au Louvre le printemps dernier? Les heures que j'ai passées devant cette étoile des Angres. Le bain turc? Oui. J'étais fasciné par cette femme de dos, juste au centre. Je me demandais pourquoi mon œil était si attiré par elle. Et tes histoires de sexe, tu les réserves à Apollinaire. Tu n'y es pas du tout. Je te parle du modèle. En fait, j'ai compris qu'il est vous de plusieurs façons. Par en dessous, des côtés, des dos, un peu comme tes paysages. Angre a distordu son dos pour magnifier la puissance. Alors je me suis lancé là-dedans. La possibilité de ne pas tenir compte de l'anatomie, mais de quand même représenter un corps. Tu me fais peur, là. Tu veux voir? Enlève cette bâche tout de suite ou je le fais moi-même. Bah, allez. V'là que j'en tombe sur le cul. Bon sang! C'est quoi ça? Un tableau. Son nom est Le Bordel d'Avignon. C'est le nom de la rue la plus chaude de Barcelone. Déjà pour commencer, tu ne peux pas. C'est pas un titre. Jamais la censure ne te laissera faire. Alors comment veux-tu que je l'appelle? Je sais pas moi. Les filles d'Avignon. Les demoiselles d'Avignon. Si ce maestrum de chair représente bien les femmes. Mais qu'est-ce que tu as fait à tes modèles? Je les ai observées de partout. Pas en restant planté devant elles, mais en tournant autour. Et après, tu les as découpées, réassemblées, mais pas forcément dans le bon ordre. T'y vas fort. Et ces visages? Tu as poussé à l'extrême ce que tu avais fait avec le portrait de ton ami Stein. Exactement. C'est de la torture. Et en plus, oh, c'est pas du petit format. Mais pourquoi faire petit quand on peut faire sur 2 mètres? Franchement, ce tableau, c'est comme si tu voulais nous faire manger de l'étoupe. Ou boire du pétrole pour cracher du feu. Allez, viens l'ami. Je sens que t'as besoin d'un petit remontant. Jamais on trouvera un alcool assez puissant pour faire passer ça. Un brandy? Oh non, un truc plus fort. Une vodka. Voilà. Oh, ou cette eau de vie qui arrache la trachée. Oui, c'est ce qu'il me faut. Oh, je n'en reviens pas. Cette toile, j'ai cru que c'était juste une ébauche, qu'il allait la corriger, l'adoucir. Avec un nom aussi joli, les Demoiselles d'Avignon. On s'attend à une peinture gracieuse, attrayante. Mais non, ces demoiselles sont effrayantes. Mais bon, c'est étrange. La peur n'empêche pas d'aimer. Les deux lascars, mon Picasso et ce Braque font sauter l'académisme. Il y a 2 ans à peine, les couleurs de Matisse affolaient le tout Paris. Mais c'est du pipi de chat maintenant à côté de ce qu'ils osent. Boum, la perspective. Boum, la ressemblance. Boum, l'anatomie. Boum, tout vole en éclats. Boum, retour à la magie, au secret du primitif. Ce sont des assassins. Et en plus, ils en rigolent. Voyons. Voyons jusqu'où ils oseront aller. Au Salon des Indépendants qui débute le 20 mars 1908, Picasso n'expose rien, comme à son habitude. Mais son ami Braque, lui, présente une toile. Une seule. Mais l'œuvre provoque l'hilarité des visiteurs. C'est un nu féminin que Braque a traité comme ses paysages. En touches parallèles, avec des traits noirs épais qui dessinent les lignes du corps, des angles aigus et une palette restreinte au brun et au bleu. Le visage est un masque encore plus simplifié que celui du portrait de Gertrude Stein. Celle-ci, bien sûr, est venue à l'inauguration du salon. La voici qui en sort, descendant les marches du Grand Palais en compagnie de Guillaume Apollinaire. Non, vraiment! Les commentaires sur le nu de Braque. Oh oui, hideux, des pieds carrés. C'est de l'architecture, pas de la peinture. Ah, des seins en forme de cruche. Oh, et son ventre, c'est un ballon gonflable qui se ramollit. Et ses rires. Oh, Guillaume, regardez là, en bas des marches. Picasso et Braque, allons les rejoindre. Attendez. Et quoi, qu'y a-t-il? Pourquoi me retenez-vous? Ah, il vaut mieux ne pas s'approcher de ces deux-là en ce moment. Mais ce sont nos amis. Mais croyez-moi, Gertrude, je connais Pablo et quand il tressaute comme ça sur la pointe des pieds, c'est qu'il est en furie. Non, je croyais que ça serait un paysage. Approchons-nous discrètement, mais évitons de nous faire remarquer. Alors défense de peindre des nus, c'est ça? Le nu est réservé à Picasso? Oh, je joue pas l'imbécile avec moi, Braque. Tu sais très bien ce que je vais dire. Quoi? Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans mon tableau? Oh, ton tableau? Laisse-moi rire. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui sur lequel je travaille depuis 6 mois. Après mes demoiselles d'Avignon. Et alors? Et alors? Tu les vois tous les jours quand tu viens à l'atelier. Et là, je comprends que tu rentres en douce les refaire chez toi. Mais tu débloques complètement l'espagnol. Alors moi, je refuse d'exposer pour rester en dehors de cette hystérie. Et toi, tu ramènes mon travail ici. Tu as entendu comme il rigole? Ton travail? Non, mais laisse-moi rire. Ton travail? C'est une pure copie du nid de Matisse de l'année dernière, son nu bleu. Et ne me dis pas que tu ne l'as pas vu celui-là. Il bouffe tout un mur chez les Stein. Oh, tu n'aurais pas dû exposer. Et comment je fais, moi, pour grailler? Ça viendra. On va te trouver une galerie. Toi, tu as Stein et compagnie qui t'entretiennent. Ils n'entretiennent pas. Ils me payent pour mon travail. Je ne suis pas une coquette. Coquette? Ah, coquette ou cocotte, mais pas coquette. Oh, pas une puta. Peut-être, mais moi, qui me vois si j'expose pas? Mais on va nous voir, crois-moi. Bientôt, ils ne verront que nous. Confiance, frère. Confiance. Ça nourrit pas la confiance. Ça... Oh, Braque, reste. C'est moi qui suis en colère. C'est à moi de me tirer. Non, c'est moi. Et vas-y, estúpido, cretino, come mierda. J'aurais dû m'en douter. La colère de Picasso n'était qu'un feu de paille. Ce soir, ils ont débarqué bras dessus, bras dessous, rue de Fleurus. On aurait dit un jeune couple en voyage de noces. Et ça discute encore et encore, presque impossible d'entrer dans leur valse. Comment aurait-il pu continuer à reprocher à son ami ce qui fait toute l'histoire de la peinture? Le pillage incessant des œuvres des prédécesseurs. Picasso a copié Matisse, qui a copié Monet, qui a... Bref... Seul l'homme préhistorique peut se faire valoir d'être le premier. Et encore, est-ce que Dieu n'aurait pas dessiné des croquis pour faire l'homme et la femme? Venez vous asseoir près de moi, Georges. Ici, nous serons au calme. J'aime beaucoup venir chez vous, Mademoiselle Stein. Un musée intime. C'est si original. Je suis très intriguée par ce nu que vous avez exposé. Pourquoi avoir poussé si loin la déformation? J'aurais pu dessiner une femme dans toute sa beauté naturelle. Mais je n'en ai pas le talent. Personne ne l'a. Du coup, je dois créer une nouvelle sorte de beauté. Une beauté qui m'apparaît en termes de volume, de ligne, de masse, de poids. Et à travers cette beauté, donner ma propre impression subjective. La nature n'est qu'un prétexte à la composition décorative, à laquelle il faut ajouter le sentiment. Elle suggère l'émotion, et moi, je traduis cette émotion en art. Je veux exposer l'absolu, pas m'en tenir à la femme artificielle. Mais vous avez vu l'accueil que j'ai reçu? Oh, ne vous inquiétez pas, Georges. Bientôt les rieurs changeront d'avis et vous serez soutenu. Vous êtes si américaine. Mademoiselle Stein. En quoi? Cet optimisme, c'est typiquement américain. Salut, Braque. Oula, toi as l'air contrarié. T'aurais pas un truc que je pourrais cogner? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je cogne, mais la salle de boxe est fermée. Attends. Regarde là. Les sacs de linge qu'a fait Fernande. Tu peux cogner dessous tant que tu veux. Merci. Poseur, m'as-tu vu? Tu m'expliques? Matisse est un salopard. Alors, jusqu'à là, je suis d'accord, mais encore... Oh, je te parle pas de ta petite déguerre avec lui pour avoir les bonnes grâces des Stein et vos tableaux sur les murs. À moi, il a fait une vraie saloperie. Alors, raconte. Ce matin, comité de sélection pour le salon d'automne. Oh, t'essayes encore les salons? Reviens pas sur le sujet, on en a déjà assez parlé. C'était des paysages, bordel! Mes paysages de l'estade. Bien. Et il y avait qui dans le jury? Toujours la même clique. Mais c'était Matisse qui chapeautait tout. Il a mis son veto sur presque toutes mes toiles. Et? À cause de lui, les 6 toiles que je présentais ont été refusées. Je me suis barré en embarquant tout et en insultant ce salopard de Matisse. Mais pourquoi tu t'étonnes encore? Mais enfin! Matisse, quoi! Pas possible qu'il me fasse un coup pareil. Mais toi, continue à les suivre? Tu fais toujours du fauvisme? Tu peins ta joie de vivre avec des grands aplats de couleurs? Tu te revendiques de son école, hein? Non, mais... Ton nu allait 3 fois plus loin que les siens. Tu n'essuies plus le maître Matisse. Tu t'es libéré. Eh bien, ça se paye. Quand même, on pourrait se soutenir. Laisse tomber, Braque. Regarde ton dernier tableau, ta mandoline. On la voit sous tous les angles. Elle prend relief dans la toile. C'est un super travail. Continue dans ce sens, elle laisse Matisse devenir regardable. Je suis sûr que ton refus d'exposer te vaudra des soutiens. Tu verras. Picasso voit juste. Un jeune galeriste, Daniel Henri Kahnweiler, choqué par la façon dont Braque a été refusé au Salon d'automne, lui ouvre les portes de sa galerie et organise une exposition de ses œuvres récentes en novembre 1908. La préface du catalogue est confiée à Apollinaire. Le soir du vernissage, dans la minuscule galerie du 28 rue Vignon, derrière l'église de la Madeleine, Gertrude Stein est là, cherchant à déceler dans ses toiles l'étonnante évolution de Braque et parallèlement de son ami Picasso. Pardon, pardonnez-moi. Ah, Guillaume, reste-toi un peu sur le trottoir. Cette galerie est fort sympathique, mais un peu étroite pour nos corpulences. Avec plaisir. Et vous n'étiez pas samedi dernier chez nous, rue de Fleurus. Vous n'avez donc pas pu voir que pour annoncer cette exposition, j'avais proposé à Braque d'accrocher deux ou trois de ses paysages sur mes murs. Très beau geste. Oui, oui, enfin, quoi qu'il en soit, mon frère était incapable de défendre ce travail. Il est à présent obnubilé par Renoir. C'est vous dire ce qu'il peut penser des nouvelles toiles de Braque et Picasso. Et vous? En général, je n'interviens que brièvement pour présenter mes acquisitions. Ma façon de m'exprimer, c'est l'écriture, moi, le verbiage. Et donc, cet incident? Eh bien, devant mon frère Michael et sa femme, Matisse, à qui ils sont restés très fidèles, a commenté les toiles de Braque. Il n'a cessé de rigoler. C'est bien ça le mot à la mode, rigolo, rigolet? Absolument. Oui, proclamant que ce n'était qu'un empilement de petits cubes. Rien de plus, un insignifiant tas de petits cubes. Comme quoi, on peut avoir été un artiste visionnaire et ne rien comprendre à ce qui se passe. Vous avez vu les dernières toiles des deux compères? Ces deux-là, on dirait une cordée de montagne. C'est à celui qui ira le plus loin. Tout devient géométrique. Je suis sévère dans mes choix. En ce moment, je préfère acheter à Picasso ses études, ses esquisses, plutôt que ses tableaux. Parce que franchement, parfois je les trouve très laids. D'ailleurs, je ne me suis pas gênée pour le lui dire. Et comment a-t-il réagi? Il était ravi. Gertrude, m'a-t-il dit, celui qui crée une chose nouvelle la fait forcément laide. La lutte pour créer cette intensité est telle que le résultat ne peut être que d'une certaine laideur. Alors, avec ce raisonnement, je finis par leur découvrir une certaine beauté et j'en rachète. Justifie la laideur, mais ce garçon est un génie. Dans le milieu de l'art moderne parisien, on assiste chaque jour à de nouveaux rebondissements pour déterminer à quel mouvement appartient un artiste. Ainsi, pour tous, il est clair que Braque a cessé d'être matisseiste pour devenir picassoiste. Gertrude Stein a choisi son camp. Le Matisse qu'elle a défendu à ses débuts est devenu pour elle presque décoratif. Elle lui préfère le bouillonnement de la création du camp Picasso-Braque. Sous l'impulsion de la fièvre créatrice de ses amis peintres, son travail d'écriture prend de l'ampleur et sa vie amoureuse prend un tournant avec la rencontre d'une jeune femme, Alice Toklas, qui deviendra sa compagne. Un dimanche après-midi de 1912, les deux artistes entraînent Gertrude Stein à un spectacle tout nouveau, un meeting aérien. Gertrude, regardez, regardez! L'avion, il monte presque à la verticale. Et le blanc, là-bas, il descend, il remonte. Wow, un peu plus, il a emporté le chapeau. Arrêtez, arrêtez, je ne peux plus regarder, non? J'ai dû tourner, aidez-moi à m'asseoir dans l'herbe. C'est ce qu'on fait avec Pablo quand on vient là. On s'allonge et on regarde les avions de dessous. On les suit des yeux. Mais pourquoi m'avoir amené ici? Vous n'aimez pas le spectacle? Oh si, mais pourquoi? Tenez à vous montrer ça. Quoi, les avions? Non, la Terre vue des avions. Vous êtes monté là-dedans? Oh, plutôt deux fois qu'une. Et du coup, on a un secret à vous confier. Oh my God! Gertrude, vue du ciel, les monts des cubistes, les toits des maisons, les champs, tout. Le monde est une toile de Picasso-Braque. Vous voulez dire que je trinque dans l'herbe en regardant le ciel avec les dieux qui ont créé le monde. Nous ne sommes pas des dieux, Gertrude. Non, vous êtes encore des gosses. Des sales gosses, même. Nous? Oui. Qui a eu le culot de faire disparaître le sujet dans ces dernières toiles? Qui? C'est nous! Dans vos natures mortes, vos portraits, il n'y a plus rien de reconnaissable, rien. Remarquez, moi, cela me va très bien. J'y trouve l'inspiration pour le rythme de mon écriture. Eh oui, on n'allait pas continuer la même rengaine. Les petits cucubes, les jolis petits cucubes. C'est bon pour nos suiveurs de faire du surplace. Vous avez vu tous ces peintres qui se réclament du cubisme avec leurs expositions pleines de conisme, filandrisme, triangulisme. Nous, on va de l'avant et on tourne le dos aux suiveurs. C'est tout ce qu'ils méritent. Messieurs, je vous préviens, vous allez tomber dans l'abstraction. Non, non, non, non, on y prend garde. Oui, on ne s'épanche pas trop. On a fait disparaître le motif central de la peinture, le sujet. Mais on glisse toujours des indices dans nos toiles. Oh, il faut être détective pour regarder vos tableaux à présent, hein? Comme Nick Carter. Qui c'est? Un célèbre détective, héros des comics, que Gertrude a la gentillesse de me faire venir pour moi des États-Unis. Je te le passerai, tu verras, c'est du tonnerre. Oh, regardez celui-là. Il fait une boucle incroyable. Oh, vous devenez difficile à suivre, messieurs. Et la couleur? Pourquoi n'y a-t-il plus de couleur dans vos tableaux? De l'ocre, du vert, et c'est tout. Elle arrive, mademoiselle Gertrude. Pablo a tout ripolliné en bleu vif une partie de sa dernière toile. Et c'est pour ça, Gertrude, que nous ne tomberons pas dans l'abstraction. Car mon partner, ici présent, a eu l'idée lumineuse d'introduire du réel dans sa peinture. Il a collé sur sa toile du trompe-l'œil en bois. Et j'ai suivi la piste. Il y aura plein d'objets collés dorénavant. De la corde, de la toile cirée, que sais-je. Je déclare, Monsieur Picasso, inventeur du collage. Et si on parlait de vous, mademoiselle Gertrude? Il paraît que votre premier livre est écrit avec une gravure spéciale. Mais attendez, ce ne serait pas une écriture un peu abstraite, ça? Comme je l'ai dit à mon éditeur, tout ce qui est écrit dans ce livre a été écrit avec l'intention d'être écrit comme c'est écrit. J'en prends la responsabilité. Il aurait aimé une écriture plus classique. Il faudra lui expliquer qu'écrire n'est pas d'écrire. Comme nous, on essaie de montrer que peindre n'est pas dépeindre. Aichi. Fin 1912, Gertrude Stein a déjà publié son premier livre, Three Lives, et s'est lancée dans les 1000 pages de sa prochaine publication, The Making of America. Le cubisme vient de franchir une nouvelle étape. Braque a fait ses sculptures en papier et Picasso a surenchéri. Il a ajouté une troisième dimension à la toile en y collant une guitare en carton. Au cours des deux années suivantes, les voies suivies par les deux artistes divergent un peu. Pur cubisme pour Braque, couleur vive pour Picasso. C'est bon de se retrouver seul chez soi après un samedi surchargé de visites. Aujourd'hui, il y avait je ne sais combien de nations dans ce salon. C'est bien. Picasso commence à rayonner ailleurs que sur mes murs. Je ne me lasse pas de regarder mon portrait. C'est vraiment étrange. C'est moi et c'est la seule reproduction de moi qui est toujours moi pour moi. Encore des répétitions. Rose is a rose, I as a rose is a rose. En voilà un joli poème, rond comme une bague. Rose, ce simple mot transporte avec lui des tas d'images et d'émotions. Je continuerai à jouer avec les mots, à écrire comme je l'entends. Quel chemin depuis ce visage masque! J'avais vu juste. Il contenait à lui seul toute une révolution. Le 2 août 1914, les routes de Braque et de Picasso se séparent définitivement pour cause de déclarations de guerre. Le Français part sur le front où il recevra une blessure qui l'empêchera de peindre durant un long moment. Quant à l'Espagnol, il ne participera pas au combat et continuera sa création frénétique. Les adieux ont lieu sur le quai de la gare d'Avignon. N'oubliez pas de dégueulasser très vite ton uniforme. Pourquoi? Cette couleur bizarre. Tu vas te faire bleuter? Oui, bien, mais moi je trouve que c'est la couleur idéale pour faire une cible. T'inquiète, j'aurai pas le temps de me faire tirer dessus. Ça va être vite réglé, cette affaire. Tu as emporté de quoi faire des croquis? Évidemment. Bon, il faut que j'y aille. Embrasse tout le monde pour moi. Mes amitiés à Gertrude. Et dis-lui que je veux bien qu'elle m'envoie des comics Buffalo Bill ou Dick Tracy. Je passerai le message, sans faute. Allez. Adieu, l'ami. Prends soin de toi. Et souviens-toi que tu es la femme qui m'a le plus aimé. Tu peux pas t'empêcher de dire des stupidités, partenaire. Mais moi aussi, je t'aime. Alors, pour toujours l'accorder Picasso Braque? Pour toujours l'accorder Braque Picasso. Oh. Stein, Picasso, Braque et l'invention du cubisme de Jean-Benoît Patricot. Avec Gertrude Stein, Elsa Parent-Koenig, Pablo Picasso, Denzel Calier-Gonzalez, Georges Braque, Léo Grange et Guillaume Apollinaire, Julien Campagny. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Étienne Collin et Bernard Laniel, assistante à la réalisation Laure Chastan, réalisation Baptiste Guiton. Vous écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. On reprend la discussion sur la naissance du cubisme dans quelques minutes avec mon invité Pascal Rousseau. Un alma curiosa, singular, compleja en su calma y tempestad. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. Y en el amanecer, cuando todo va a cambiar, todo de color, y vemos aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde somos? Dime, y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos? Dime, ¿por qué? Por pertenecer a la gente del libro, pretendiendo entender los enigmas del universo. Dime, ¿por qué será? José González, El Invento sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, choix musical Thierry Dupin, à la technique Mathias Alléon. Pascal Rousseau, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on appelle l'art moderne du XXe siècle est né là en 1906-1907 d'une histoire d'amitié à Paris entre ces deux artistes? C'est un moment très très fertile dans le monde de l'art et sa transformation. Donc je l'évoquais à l'instant, juste un an plus tôt en quelque sorte, le Salon d'automne a mis en scène la naissance du fauvisme. Et le fauvisme avec ses couleurs, Matisse bien évidemment, dont on a entendu parler dans la fiction, devient la référence absolue par les couleurs. Deux ans plus tard, c'est le cubisme qui naît avec les Demoiselles d'Avignon. On pense en général les Demoiselles d'Avignon de Picasso comme le tableau inaugural du cubisme, avec des teintes qui ne sont plus colorées, hein, plus de teintes pures. On est dans des camailleux beaucoup plus sombres qui empruntent à Cézanne. Et là, on voit très très bien géométrisation des formes. C'est presque l'inverse, en quelque sorte, de la libération chromatique du fauvisme. Donc en l'espace de deux ans, il y a là un mouvement, là, j'ai envie de dire interne à la modernité, qui s'accélère. Je veux dire, le mouvement n'est pas nouveau, hein, bien évidemment, mais ce qui est important, c'est son rythme. Et je pense que le salon de Gertrude Stein et de son frère Léo est l'emblème de cela. Joue un rôle déterminant. Oui, bien sûr. Je pense que, enfin, ça peut faire penser à Proust dans Le Salon de Madame Cambremer, qui dit que quand on a vu Monet, Manet devient obsolète. C'est vraiment cette idée à ce moment précis qui est celui en particulier du nouveau monde ouvert par le nouveau siècle. De l'accélération justement d'une peinture qui, en quelque sorte, passe d'une étape à une autre sans franchir, en quelque sorte, des étapes intermédiaires, avec une grande rapidité. Et je pense que le meeting aérien dont on a parlé aujourd'hui serait aussi le symbole de cette accélération. Oui, c'est une jolie idée, l'idée comme ça de ces avions qui passent dans le ciel, et puis l'idée qu'on puisse aller dans le ciel, regarder le monde d'une autre manière, enfin, comme vous disiez, qu'on pouvait regarder aussi le monde depuis la Tour Eiffel. Les perspectives changent à ce moment-là. Il y a quelque chose de, il y a un bouleversement des points de vue. Alors ça, c'est la grande leçon cubiste, bien évidemment, qui a été absente du fauvisme. Hein. Le fauvisme reste encore, j'ai envie de dire, dans la leçon de la couleur de l'impressionnisme. C'est Derain, c'est Vlaminck, c'est Matisse. Hein, c'est vraiment le groupe justement du Salon d'automne de 1905. Et avec le cubisme, on est dans une autre approche, qui est l'approche plutôt effectivement celle de l'espace du tableau, et en particulier en finir avec une des grandes leçons qui avait accompagné toute l'histoire de la peinture, la leçon du trompe-l'œil, la leçon de l'illusionnisme, faire croire que le tableau c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Non, nous disent-ils en fait, hein, ils déconstruisent cet espace, mettent fin à la perspective, hein, décomposent évidemment l'objet, tournent autour de cet objet, en retiennent des traits saillants, les amalgament à la surface de la toile. Donc là, il y a un vrai, vrai bouleversement effectivement de mise en page dans la représentation qui est absolument inaugurale de toute la modernité du XXe siècle. Et si on prend justement l'exemple des demoiselles d'Avignon, ce tableau central, vous venez de le dire, pourquoi est-il si novateur et pourquoi est-il autant surpris et dérangé quand on l'a vu pour la première fois à cette époque-là? C'est un tableau de rupture, ça c'est très très clair, bien sûr, dans son montage, dans ses sources aussi, puisqu'il est clair que le visage et le traitement des visages des demoiselles est un traitement à l'emporte-pièce, comme oui, des sculptures. Des masques, ce sont des masques, bien évidemment. La source d'inspiration est très explicite. C'est la source des masques de l'Afrique subsaharienne. On voit très très bien là ici, en fait, une sorte de collusion étrange de sources. Très très concrètement, et Picasso est revenu souvent là-dessus. En fait, dans Les Demoiselles d'Avignon, il faudrait voir à la fois le bain turc de Ingres, qui est quand même le grand peintre du néoclassicisme, l'art africain, ce qui est quand même très très cocasse, les deux ensemble. Et je pense que c'est en quelque sorte cette contradiction qui est au cœur même, bien évidemment, du bouleversement du traitement dans l'espace et autres. Chacune des demoiselles a son espace propre, ce qui est très nouveau. Le tableau n'est pas du tout homogène, même dans le traitement de chacun des corps de ces demoiselles. Il y a un traitement qui est presque individualisé, ce qui fait que le tableau n'est plus un univers unifié, mais au contraire une sorte d'amalgame d'éléments extrêmement hétérogènes. Et c'est dans ce clash, en quelque sorte culturel, que Picasso est allé chercher justement la modernité. Je vous propose d'écouter le galeriste Daniel Kahnweiler, qui parle en 1961 du jour, il se rappelle ce jour où il est venu au bateau Lavoir et où il a découvert cette toile de Picasso. Eh bien, il y en avait certainement beaucoup, les quelques-unes roulées, des dessins roulés aussi. Il y avait beaucoup de poussière par-dessus tout cela. Et il y avait un très grand tableau. Le tableau qui, depuis, a été appelé Les Demoiselles d'Avignon. Et quelle a été votre impression? J'étais stupéfait d'abord, ébloui ensuite. Il me paraissait que là, quelque chose se passait d'inouï, d'extraordinaire, d'admirable. Je devais être un des très rares qui avait cette impression-là. Il faut bien que je vous dise l'affreuse solitude morale dans laquelle Picasso a été à cette époque-là. Aucun de ses amis peintres le suivait. J'ai su plus tard que Braque, qui a vu le tableau, je pense par Apollinaire, en parlait en disant qu'il lui semblait de peindre de cette façon-là. C'était comme si l'on buvait du pétrole pour cracher du feu. Et Derain m'a dit à moi-même qu'on trouverait Picasso pendu un jour derrière ce grand tableau. C'est étonnant, Pascal Rousseau, ce que dit Kahnweiler. On n'est pas avec un Picasso flamboyant, héroïque, qui fier de sa toile. Il est dans un état dépressif. Pourquoi à ce moment-là? Comment l'expliquer? Il est incompris? Ou alors c'est ce tableau lui-même qui lui provoque des sentiments sombres, ou je ne sais pas? Non, Picasso est Janus. Hein. Il est double face. Il est solaire, ultra solaire. Il se présente toujours devant ses toiles avec un aspect physique, en boxeur et autres. Donc, il est dans la lutte permanente. Mais il est aussi, bien évidemment, affecté par ce que Kahnweiler évoque ici, c'est-à-dire, en définitive, le non-assentiment de ses propres amis. Oui, une forme de solitude. Une forme de solitude. Il se trouve que le tableau lui-même a sa propre histoire. Puisque son titre initial, donc Bordel philosophique, renvoie bien évidemment à l'origine du tableau. Les demoiselles d'Avignon, ce ne sont pas les demoiselles de la ville d'Avignon, mais de la Carrère d'Avignon. Carrère d'Avignon qui était une rue bien connue de Barcelone pour sa prostitution. Et ce tableau est une manière d'exorciser en quelque sorte la mort d'un de ses proches, hein, Casagemas, un peintre catalan. D'où d'ailleurs la référence à la rue d'Avignon, bien évidemment, qui est son souvenir mélancolique, bien évidemment, du partage qu'il a pu avoir avec toute cette communauté d'artistes modernes à Barcelone. Et puis par ailleurs, la solitude face à des compagnons de route comme Braque, qui effectivement deviennent un peu sceptiques par rapport au tournant radical qu'il prend. Georges Braque, justement, il a été un peu occulté, minimisé par rapport à la figure très narcissique, égocentrique et assez solaire, vous venez de le dire, Pascal Rousseau, de Picasso. Mais est-ce qu'on peut dire malgré tout qu'à ce moment-là, le cubisme a été inventé par les deux? Est-ce que le cubisme a été une histoire d'amitié comme ça entre ces deux hommes? C'est plus qu'une histoire d'amitié, je pense que c'est une histoire de fusion artistique. On parle de cordée du bateau Lavoir. Mmh. Et je crois que le terme, qui est assez sportif d'ailleurs, voire combatif, en dit long, je crois, sur ce qu'était justement leur relation. À cette époque, et plus l'on ira d'ailleurs en avant dans le temps, c'est-à-dire dans les années 10, 12 et autres, leur collaboration est très intime, puisqu'ils peignent quasiment à l'identique, au point d'ailleurs de chercher à ne plus signer leurs tableaux, puisqu'il était en quelque sorte presque impossible de pouvoir distinguer ce que l'un faisait et ce que l'autre faisait. Ils fusionnent au point de vouloir, en quelque sorte, n'être plus qu'un seul artiste dans cette cordée. Et le cubisme de la période 1912, qui est celui qui ira le plus loin vers l'abstraction, c'est-à-dire vers l'impossibilité d'identifier le sujet, mènera la fusion très très loin. La fin de la fiction ici se termine en situant le duo, en fait, comme un duo de mari et femme. Et dans ce duo, il est clair que Picasso, en fait, avait toujours attribué le rôle de la femme à Braque. Hein. Oui, dans Picasso, une vision assez misogyne, d'ailleurs. Bien sûr, Picasso disait, en fait, souvent de Braque qu'il était sa petite femme. Oui. Comme s'il s'agissait toujours, effectivement, de voir dans la relation, une relation active-passif, dans laquelle, évidemment, notre ami Picasso serait le dominant. Mais Braque est absolument déterminant dans la naissance du cubisme. Et c'est une naissance à deux. Merci beaucoup Pascal Rousseau. Vous avez participé au dictionnaire du cubisme dirigé par Brigitte Léal dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Vous êtes le commissaire scientifique d'une exposition qui s'appelle Hypnose au musée d'art de Nantes qui doit ouvrir bientôt si on peut. À lire également la biographie de Gertrude Stein de Philippe Blanchon et Les aventuriers du cubisme de Julie Birman et Pierre Fouillet, un roman graphique paru aux éditions Steinkiss. Cette émission est terminée, vous pouvez la réécouter, la podcaster sur notre site franceinter.fr et j'attends avec impatience vos commentaires sur franceinter.fr ou sur la page Facebook d'Autant en emporte l'histoire. La semaine prochaine, nous serons encore à Paris, à Montmartre, en compagnie de la Goulue, la célèbre danseuse du Moulin Rouge, célèbre pour son lancer de jambes et son franc-parler, et qui était la grande amie du peintre Toulouse-Lautrec. Louise Weber, dite la Goulue, muse et femme libre, c'est dimanche prochain dans Autant en emporte l'histoire. Après le flash, vous avez rendez-vous bien sûr avec Nadia Dame pour Modern Love.